Les livres blancs par Armand Dubarry. Chapitre 1er, à Bangkok. Ainsi tu vas me quitter? Vous avez été si bon pour moi, comment pourrais-je vous quitter? Mais tu t'en vas, maître. Le diable m'emporte si je comprends un mot à ta conduite. Tiens-tu donc à retomber dans la misère, dans l'esclavage? Que te manque-t-il ici? Rien. Je suis bien nourri, bien traité, et beaucoup de talapoins envieraient mon sort. Cependant, depuis quelque temps, je souffre. Je suis le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que j'aime la plus belle princesse du monde. Une princesse? Et la plus belle du monde? Diantre! S'écria M. de Manonvillers en riant aux éclats. Oui, répondit Tungug avec passion, et les yeux remplis de feu. C'est de la folie. Peut-être. Certainement. Que peux-tu espérer avec une princesse? Tout au plus d'être enrôlé parmi ses rameurs ou les gardiens de ses éléphants. Je ne suis en effet qu'un des infimes esclaves de celle sur laquelle j'ai osé lever mes regards. Mais j'ai prié Praen, le roi des anges, son roi, et Praen me protégera. Ou il ne te protégera pas, Praen, comme ses collègues en divinité ne s'occupent guère de ce qui se passe sur la terre. Tungug voulut protester. M. Manonvillers haussa les épaules et continua. Et peut-on savoir quelle est la beauté qui t'a troublé la cervelle? Est-ce la fille d'un grand mandarin? D'un gouverneur de province, d'un ministre, mieux que cela, oh oh! Serait-ce par hasard la fille du second roi? C'est la fille du premier roi! M. Manonvillers tomba sur un fauteuil de bambou, en proie à un accès de gaieté auquel il s'abandonna sans retenue. La fille du premier roi! Répéta-t-il après un instant en se remettant. Allons, je vois que l'amour ne connaît pas plus les obstacles que la raison, car tu n'as point la prétention, je suppose, d'épouser la princesse. Si! Fit spontanément Tungug, dont l'accent eut une étonnante énergie. Pour le coup, son interlocuteur demeura stupéfié. Il y avait de quoi, on va en juger. Tungug était un pauvre air que M. Manonvillers, négociant français à Bangkok, capitale du royaume de Siam, avait ramassé un jour au coin d'une pagode, mourant de faim, d'épuisement, et dont il avait fait son garçon de peine. L'orphelin de père et de mère, dès son enfance, abandonné dans la rue, sans ressources, Tungug n'avait connu jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'il venait d'atteindre, que la misère et les privations. Et cela ne lui permettait guère d'aspirer la main de la fille du roi régnant. De plus, il était laid, et ne pouvait racheter par son physique ce qui lui manquait du côté de la fortune. Toutefois, sa laideur n'avait rien de repoussant. Son corps malingre, de médiocre grandeur, n'était pas difforme. Sa tête rasée, à l'exception du sommet où se dressait un toupet de cheveux taillés en brosse, sans être de la catégorie des têtes qui plaisent particulièrement aux femmes de Siam, ne manquait nullement de caractère. Il ne mâchait pas de bétel et par conséquent n'avait point, comme la plupart de ses compatriotes, les lèvres ensanglantées, la bouche baveuse, les dents noires. Son œil, au lieu d'être terne et sans intelligence, était vif. Son air ouvert plaidait pour lui à première vue. Ajoutons qu'avec beaucoup de défauts, il possédait de solides qualités. Par exemple, de l'honnêteté, du dévouement, et que de là venait pour lui l'affection de son maître et bienfaiteur, M. Manonvillers. 100 fois, depuis 2 ans qu'il l'avait recueilli et sauvé d'une fin misérable, le négociant s'était trouvé à même d'apprécier sa probité, son zèle, et jamais il n'eût pensé qu'il le quitterait, surtout pour la fille du roi. La fille du roi. Tungug pouvait peut-être prétendre à devenir un de ses palefreniers, mais nourrir le projet de l'épouser, lui, le vil, le chétif, l'inconnu perdu dans la foule des 400 000 individus qui peuplaient Bangkok, c'était du délire. Pourtant, Tungug ne désespérait point de devenir bientôt le gendre de Sa Majesté, et c'est pourquoi il était tout à coup venu dire à M. Manonvillers « Maître, je vous en prie, permettez-moi de m'en aller. Je pars parce que j'aime. » Je pars parce que je veux épouser la fille du roi. Comment cette passion insensée, cette ambition non moins folle, avait-elle germé dans son cerveau? De la façon la plus simple. Il le raconta à M. Manonvillers avec une candeur pénétrante, quand ce dernier, remis de sa surprise, lui demandait des explications, car il ne savait pas cacher ce qu'il éprouvait. Et d'un autre côté, il ne voulait passer ni pour un fou, ni pour un fumeur d'opium arrivé à la dernière période de l'affaiblissement du cerveau. « Il y a 6 mois, confessa-t-il, la princesse Ma, la fille du roi, revenais de porter des offrandes à la pagode Wachang, lorsque vers le soir, je rencontrais son cortège au bord du fleuve avant sa rentrée au palais. Elle avançait sa tête céleste en dehors de son palanquin pour respirer l'air et jeter un regard curieux aux alentours. Je la vis plus belle qu'une étoile dans la nuit calme, et je l'aimais sans pouvoir m'en défendre. « Oh, maître, si comme moi vous l'aviez vue à ce moment, vous comprendriez mon admiration et mon amour, vous excuseriez ma folie. » Je souffrais le martyr et j'allais me précipiter dans le Ménam, une pierre au cou, quand j'appris qu'un des deux éléphants blancs du roi régnant venait de mourir et que Sa Majesté offrait une fortune et le titre de prince à qui le lui remplacerait. Les grands mandarins, les chefs d'État à la pointe, les gouverneurs des provinces se mirent à battre les forêts avec des nuées d'esclaves et des bandes d'éléphants privés ordinaires. Ne pouvant entrer en concurrence avec eux, j'attendis anxieusement le résultat de leurs recherches pour partir en chasse à mon tour. Sur l'entrefaite, le second éléphant blanc tomba dangereusement malade. Aussitôt, ce matin, maître, le roi fit publier à son de trompe que celui qui lui amènera un éléphant blanc recevra en récompense 10 belles esclaves, une province et la princesse Ma en mariage. La princesse Ma! Ce divin prix seul m'aurait décidé. J'ai donc résolu de partir sans retard et d'aller chercher un éléphant blanc, dussé-je pour cela fouiller toutes les solitudes de Siam, du Laos, du Cambodge et de Birmanie. M. Manonville écouta avec un étonnement mêlé de compassion la confession de son garçon de peine et essaya à nouveau de sermonner le malheureux. « Tu es fou allié !» lui déclara-t-il. « Comment ? Des princes accompagnés de limiers, de piqueurs, de rabatteurs, de guides, n'ont pu, depuis 4 mois, découvrir un éléphant blanc dans les jungles, dans les lieux les plus boisés du royaume, et tu prétendrais être plus fortuné qu'eux avec tes seules forces, tes seules ressources ?»« La tâche est difficile, je le sais, mais puisque je ne peux vivre désormais sans la princesse Ma, autant mourir en cherchant l'éléphant sacré que mourir de désespoir à Bangkok. » Avec du raisonnement, tu oublierais la princesse et tu vivrais paisiblement ici. Celui qui aime, maître, ne connaît plus la raison, il ne connaît plus que ce qu'il aime. Je découvrirai et je ramènerai un éléphant blanc, j'épouserai Ma ou je mourrai. » Le ton de Tungug était si ferme, si déterminé, que le négociant n'insista plus. « Soit, dit-il, va-t'en à la chasse, ne reviens pas bredouille, épouse la princesse, deviens riche, puissant, et quand tu seras sur les marches du trône, protège-moi, maître. En attendant, pour te faciliter ta tâche, je te garnirai ton sac de voyage. Après, puisque rien n'est capable de te retenir, que Bouddha te conduise et te protège. » Tungug, ému jusqu'aux larmes, se jeta aux pieds de son bienfaiteur. « Allons, relève-toi, fit celui-ci, et prépare-toi. Quand désires-tu partir ? Tout de suite. » Le négociant ne put s'empêcher de rire. « Dans ce cas, reprit-il, dépêchons, » et il entraîna vers une pièce de la maison où il resserrait ses habits et ses armes. Tungug n'avait pour tout vêtement qu'une chemise de toile, dont de M. Manonville. Ce n'était pas suffisant pour faire un long voyage. Le négociant le comprit et voulut au moins mettre le galant de la princesse en route dans de bonnes conditions. « Tiens, lui dit-il, prends ce sac de soldat, tu le porteras facilement sur tes épaules, et remplis-le de ce que je vais te donner. D'abord, ces 4 mouchoirs, non pour ton usage ordinaire, puisque tu te mouches avec tes doigts ou sur ta manche, habitude dont il faudra te défaire quand tu appartiendras à la famille royale, mais pour te panser au cas où tu te blesserais. Voici, pour le même objet, un flacon d'alcali. Serre encore cette boîte de quinine. Tu vas dans des contrées où les fièvres sont dangereuses. Dès que tu te sentiras atteint, avale quelques pincées de cette poudre blanche et change de campement. Et du sel, il en faut pour cuisiner en forêt. En voilà un sac d'une livre, ménage-le. Tu n'as pas l'habitude de porter de chaussures, il est inutile que je t'en embarrasse. Enfile cette veste et ce pantalon. Aller en chemise, courir les aventures, serait imprudent. Ne perds pas ces 20 iots, 50 francs, tu en auras besoin. Prends ce couteau de chasse, ce bâton ferré, ce briquet, cette hache, ce revolver et ces 100 cartouches que tu feras sagement de ménager. » Tungug, attendri, pleura de joie, de reconnaissance, et baisa les genoux du négociant. « Allons, allons, boucle ton sac !» repartit brusquement M. Manonville. L'Indien obéit, enfila le pantalon et la veste, assujettit le sac sur son dos à l'aide des bretelles, attacha le couteau de chasse à sa ceinture, prit le bambou ferré et se prosterna devant son maître. « Bon courage et bon voyage !» lui dit ce dernier en le relevant et en le congédiant. Tungug sortit de la maison en proie à une profonde émotion et pourtant d'un pied léger. Il lui sembla qu'il allait conquérir le monde. La ville résonnait de clameurs. La maladie de l'unique éléphant blanc, l'anxiété de la cour, la récente proclamation du roi, étaient le sujet des conversations d'une quantité de groupes compacts massés au coin des rues, des canaux, près des pagodes, le long du fleuve, cette grande rue de la pittoresque capitale du royaume de Siam. Les environs de Bangkok sont, à perte de vue, aussi plats que les polders de la Hollande, a écrit un courageux voyageur mort à la tâche, M. Henri Mouhot. La ville elle-même repose sur un archipel d'îlots vaseux que le bras principal, ou Talweg du Menam, découpe en deux sections. Celle de droite n'a guère droit qu'au titre de faubourg, car les huttes du peuple, les jardins et les marais y dominent. Les pagodes et les demeures des grands y sont rares. Sur la rive gauche du fleuve, au contraire, la ville proprement dite, entourée de murailles crénelées et flanquée de loin en loin de tours et de bastions, couvre un espace de deux lieues de circuit. Entre les deux sections, des milliers de boutiques flottant sur des radeaux s'allongent sur deux rangs suivant les sinuosités du fleuve que sillonnent en tous sens d'innombrables embarcations. L'animation qui règne sur les eaux est la première chose qui frappe le voyageur pénétrant au sein de cette capitale par la voie du Menam. Bientôt, son attention est attirée par la vue des palais royaux et des pagodes, projetant dans les airs, au-dessus de l'éternelle verdure de la végétation tropicale, leurs flèches dorées, leurs dômes vernissés, leurs hautes pyramides sculptées à jour, découpées en guipures et reflétant tous les rayons du soleil, toutes les couleurs du prisme sur leurs revêtements de cristaux et de porcelaine. Cette architecture des mille et une nuits, la variété infinie des édifices et des costumes indiquant la diversité des nationalités groupées sur ce point du globe, le son incessant des instruments de musique et le bruit des représentations scéniques, tout cet ensemble est pour l'étranger un spectacle aussi nouveau qu'agréable au premier abord. En outre, ici, une autre impression étrange. Pas de bruit de voiture ni de chevaux. Pour vos affaires ou vos plaisirs, vous êtes obligé de descendre ou remonter la rivière en bateau. Bangkok est la Venise de l'Orient. On n'y entend que le bruit des rames, celui des ancres, le chant des matelots ou les cris des rameurs qu'on nomme Sipai. La rivière tient lieu de cours et de boulevards, et les canaux remplacent les rues. Tungug se rendit directement dans un endroit où il savait qu'il trouverait des bateliers du Haut Menam en quête de passagers pour couvrir les frais de voyage de retour, traite avec l'un qui avait déjà trois Chinois à bord et allait lever l'ancre, lui donna un tikal de francs 50 pour remonter jusqu'à Ajoutia, la seconde ville du royaume, où il voulait faire un pèlerinage, prit place dans le bateau et vogue la galère. C'était l'époque des fêtes religieuses fin octobre. Des centaines de barques ornées de banderoles, chargées de rameurs et de dévots des deux sexes richement costumés, portant des présents aux pagodes et aux talapoins, remontaient le courant au son de musique bruyante, dont les accords éclatants emplissaient l'espace. Quelques-unes luttaient de vitesse aux cris de ceux qui les encombraient, d'autres avançaient comme bercés par les flots. Bientôt le jour baissa. Les maisons, les palais, les flèches des pagodes disparurent dans le crépuscule. Les bruits cessèrent, le calme se fit, et Tungug, assis à l'arrière de sa barque, vit s'effacer à l'horizon les belles lignes de Bangkok. Alors, sa poitrine se gonfla, ses yeux se levèrent vers le ciel qui déjà était étoilé, ses mains se joignirent, et il murmura en frissonnant : « Ma, je vais vous conquérir ou mourir pour vous. »